caresse, il a formagé. Vinoué, s'il rénové. Ti loulon, c'est un bel bébé. Ti jeu de son petit boule cristal. A caresse, il a formagé. Vinoué, s'il rénové. Libelle, dit qu'on fait caresse. Dit qu'on t'y démarche finesse. Attention, c'est un marabout. Dit qu'on t'y tête debout. Libelle, dit qu'on fait caresse. Dit qu'on t'y démarche finesse. Attention, c'est un marabout. Les gars, ils étaient debout. Côté ça, t'es plus belle bagaille. Le lap marché dans la rue. Tout le monde serait gâté. Scientifique. Côté ça t'es plus belle bagaille. Le lap marché dans la rue. Tout le monde serait gâté. Scientifique ta baille paillette. Loulou tigéri. Loulou loulou tigéri à moi. Mais loulou tigéri. Loulou loulou tigéri à moi. Marié, m'a fait obligé de sauver, m'a sauvé.